10.35, activation orale. Adjectif démonstratif et pronom accentué. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. C'est mon bateau. Donne-le-moi. Et vous ajoutez. Ce bateau est à moi. 2. C'est ma planche à voile. Donne-la-moi. Cette planche à voile est à moi. 3. C'est mon argent. Donne-le-moi. Cet argent est à moi. 4. C'est mon journal. Donne-le-moi. Ce journal est à moi. 5. Ce sont mes skis. Donne-les-moi. Ces skis sont à moi. 6. Hey, c'est ma limonade. Donne-la-moi. Cette limonade est à moi. 7. C'est mon petit pain au raisin. Donne-le-moi. Ce petit pain au raisin est à moi. 8. C'est ma galette bretonne. Donne-la-moi. Cette galette bretonne est à moi. 9. Ce sont mes cartes. Donne-les-moi. Ces cartes sont à moi.